méchante, vous voulez rire. Mais c'est pas le meilleur parti. Vous riez quand moi je soupire. Vous soupirez et vous croyez-moi, je vous en conjure, prenez pitié de mon tourment. Mais ce soir, à votre futur, n'en direz-vous pas tout votre temps. Ma future. Oui, vraiment, votre futur, ce soir, mais le plus important, cette pauvre créature. Aura-t-elle vos jolis yeux, le charme qui de ce corps songe, c'est un si blanc, si merveilleux, puis la fraîcheur de ce visage. Peut-être bien, voyez-vous, ne verrons de rien. Quittez cet air ironique, croyez-moi, chère Véronique. Yeah.